Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. On a encore deux bonnes heures de prog devant nous et on commence avec un second extrait de l'album de Lars Fredrik Freusli, claviériste de Wobbler, qui va présenter le 9 mai prochain son second album solo qui a pour titre Gamle Mester. Et on vous présente un second extrait de cet album qui va être offert évidemment en CD, en téléchargement et en version vinyle transparent et vinyle vert. Et on remarque la présence sur cet album de Ketil Westrum Enarsson, qui est le flûtiste de White Willow. Et puis, par la suite, on a un artiste canadien, torontois pour être exact, Rick Miller, qui est actif depuis 1980 et qui a publié à ses débuts peut-être 3 ou 4 disques de New Age et par la suite est passé au prog. Il a récemment lancé son 16e album de rock progressif. Le titre de l'album, c'est Perspective, et ce soir, on vous présente la pièce Inside the Dream, premier extrait, il va y en avoir probablement d'autres qui vont suivre, et puis Marc, par la suite, on a un peu comme une déclinaison de notre groupe international préféré. Oui, en effet, on parle ici de membres de la formation de Samurai of Prague, et c'est un groupe qui a pour nom de Guild Master, composé de Raphaël Pacha, Alessandro De Benedetti, Marco Bernard et Kimo Porsti. Ils ont fait paraître un premier album qui a pour titre The Night and the Ghost en 2020, ensuite Liber de Dictis en 2022, et viennent tout juste de faire paraître leur troisième album, qui a pour titre Gathering of Souls. Et la pièce qu'on aura pour vous ce soir s'intitule Lo Promedito es Deuda. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord le bloc musical avec un nouvel extrait du prochain album à paraître de Lars Fredrik Freusli. Men i det helt Thank you. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. On poursuit avec une nouveauté en provenance de Norvège, c'est Magic Pie qui nous présente un tout nouvel album studio qui a pour titre Maestro. C'est le 6e album pour Magic Pie et il paraît 6 ans après Fragments of the Fifth Element qui lui est paru en 2019. Et puis par la suite, on va accueillir des vieux routiers, pourrait-on dire, un groupe qui roule sa bosse depuis les années 80, c'est IQ, qui a récemment lancé son 13e album studio qui a pour titre Dominion. Ce soir, on vous présente comme extrait No Dominion. Et puis Marc, pour la suite, on va avoir encore une fois une nouvelle de notre groupe préféré international. Oui, en effet, la formation de Samurai of Prague vient de faire paraître le coffret Omnibus 4, les Bernard et Posty Sessions. L'album comprend les 3 albums qu'ils ont réalisés ensemble, dont Gulliver, La Tierra et Robinson Crusoe. Chacun des albums comporte des pièces en bonnie, pour un total de plus de 40 minutes additionnelles avec les 3 albums. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Bonnie de l'album Gulliver, une pièce qui a pour titre Ordinary Man. Et ce sera suivi de la formation norvégienne Oak et un nouvel extrait de leur prochain album à venir qui doit paraître vendredi prochain, le 25 avril. L'album a pour titre The Third Sleep. C'est leur 4e album. Et la pièce qu'on aura pour vous ce soir a pour titre « Run into the Sun ». Et comme vous le disait Michel, on débute ce second bloc musical de l'émission avec la nouveauté de la formation norvégienne Magic Pie. perfect strangers on the road to a paradise unknown. Please stay with me, come play with me. I'll satisfy your hunger, fulfill your every need. Time to breathe. Yeah. drift in. Others pass by, they make their way across an iron sky. Inside a world untaken, where more events than these condense to hold out possibilities. Fate awaits you, creates new lifelines, and then no tomorrow would ever unwind. Now, how many stay alive? If a dream condemned to fade outside of me still survives, the wall that's built around you is undefended. No matter where it ends, no matter when. If I could make a difference, what would you have me do? The heart that broke the best was over you. Death in its madness above the west moon shall have no dominion, with none gone too soon. So this memory will run its course, and I choose to never give up more than I'd dare to lose without remorse. We'll be right back. Hi, this is Simon. And Sigbjorn from Oak. And you're listening to Terra Incognita, live from Quebec City. Down. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, on poursuit avec une nouveauté en provenance de Norvège, le guitariste Anders Boas. Et c'est son 8e album studio qui a pour titre Troll Ringen. Et ce soir, on vous présente comme extrait, c'est la pièce titre de cet album. Et puis de Suède, une nouveauté pas tout à fait récente, c'est une réédition d'un de nos groupes préférés à Marc et moi, Aguza. Et c'est l'album Octid, le premier album qui est paru en 2014, complètement remasterisé. L'album va être lancé le 2 mai et il semble que tous les albums de Aguza vont être remixés et remasterisé. Et puis Marc, par la suite, on va avoir deux autres nouveautés, une en provenance du Japon et l'autre de la Norvège. Oui, en effet, du Japon, on a la formation Happy Family qui fait un retour sur disque après plus de 10 ans avec leur nouvel album qui a pour titre 4037 ou 4037. C'est disponible auprès de Cuneiform Records. Et c'est un album qui célèbre le 37e anniversaire de Happy Family en tant que groupe et le 40e anniversaire de Cuneiform Records. Happy Family qui avait fait paraître leur premier album en 1995, intitulé Happy Family, un second en 1997 qui avait pour titre Tosco, un troisième en 2014 Minimal Gods, et ce plus récent album 4037. Ce qu'on aura pour vous, c'est la pièce Pygmalion. Et ce sera suivi, mais comme vous disait Michel, d'une autre formation norvégienne. Décidément, la Norvège est à l'honneur ce soir. Alors, on aura ici la formation Pimlico, qui feront paraître le 9 mai prochain leur nouvel album, qui a pour titre Core. C'est leur 8e en carrière. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Done and Dusted. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec une pièce du nouvel album de Anders Boas. Thank you. De retour à Terra Incognita, dernière demi-heure en votre compagnie, et on a notamment au menu un nouvel album d'une pianiste d'origine russe qui vit aux États-Unis depuis 1991, Yelena Ektetov. C'est ce qu'on appelle une musicienne prodige. Elle a commencé à jouer le piano à l'âge de 4 ans. Elle a fait son conservatoire à Moscou et a découvert Pink Floyd pendant ses études. Elle a décidé de venir s'installer aux États-Unis en 1991, comme je le disais, et à partir de 2010, elle commence à travailler avec des musiciens de jazz américains et danois et propose un album, pour ainsi dire, par année, avec maintenant un total de 20 albums sous la ceinture. Le plus récent a pour titre Scenes from the Dark Ages, un disque où la musicienne propose un alliage de classiques, de jazz, de prog et de folk. Pour les sessions d'enregistrement, elle s'est entourée d'une équipe de musiciens italiens, dont le guitariste Riccardo Bertuzzi, le flûtiste Carlo Nicita, la violoniste Eloisa Manera et le bassiste Riccardo Oliva. Aux percussions et à la batterie, on retrouve le réputé batteur Trilok Kurtu. Ce soir, comme premier extrait, on vous propose la pièce Pilgrims. Et Marc, pour donner le coup d'envoi de ce bloc musical, on va avoir un groupe norvégien qu'on apprécie beaucoup, toi et moi. Oui, il s'agit de la formation Giorgio ou Giorgia. Comme tu nous l'avais mentionné à une émission précédente, Michel, c'est ce qu'on appelle un split, donc un album qui comporte deux groupes, le groupe Giorgia et Breidablik. C'est la seconde fois qu'ils proposent cette formule. Leur premier album paru en 2016 avait pour titre Songs from the Northern Wasteland. Celui-ci a pour titre Contraster. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, pour débuter l'émission, c'est un extrait de la pièce Contraster. Et ce sera suivi de Yelena Ekimov. Thank you. Thank you. Thank you. Nous voici déjà arrivés à la dernière pièce de l'émission de ce soir. Et ce qu'on a décidé de vous présenter, c'est un extrait du nouvel album de Panzer Papa, une formation norvégienne qui présenteront cette année un nouvel album qui a pour titre Lands by Slaughter, 6 ans après leur plus récent Summer Risk Suite, qui était paru en 2019. Ils ont fait paraître un premier extrait récemment, alors on aura cette pièce pour vous ce soir, qui a pour titre A Nietzpamp. On vous invite à rester sur les ondes de CKRL pour l'émission L'Autoroute, qui suivra tout de suite après. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous et on sera avec vous la semaine prochaine. On se laisse donc sur une pièce de Panzer Papa.